Le sourire au pied de l'échelle, Henri Miller, séquence 7. Ce fut au milieu de cette étrange méditation qu'Auguste arriva en vue de la roulotte d'Antoine. Sans trop savoir pourquoi, il eut un léger haut-le-corps en remarquant que le patron s'avançait à sa rencontre, venant manifestement de quitter le chevet du malade. Son étonnement ne fit que croître quand le patron leva la main, lui signifiant de rester là où il était. À l'expression qu'il vit sur le visage de cet homme, il éprouva nettement un sentiment d'alarme. Docile, il s'arrêta, attendit que l'autre ouvrît la bouche. Quand il ne fut plus qu'à quelques pas d'Auguste, l'homme leva soudain les deux bras, d'un geste de désespoir et de résignation. Auguste n'eut pas besoin d'explication pour deviner la suite. Mais quand est-ce arrivé ? S'enquit-ils lorsqu'ils eurent fait quelques mètres côte à côte. Oh, il y a 5 ou 6 minutes maximum. Brusquement, comme ça, sans faire ouf, dans mes bras. Mais c'est incompréhensible, murmura Auguste. Qu'est-ce qui a bien pu le tuer? Il n'était tout de même pas si mal que ça hier soir quand je lui ai parlé. Comme vous dites, répondit l'autre. Il y avait quelque chose dans ce, comme vous dites, qui fit sursauter Auguste. « Vous ne voulez pas dire ?» Mais il n'acheva pas. C'était trop insensé. Il refusait de nourrir cette pensée. Mais l'instant d'après, malgré tout, ce fut plus fort que lui. « Vous ne voulez pas dire ?» reprit-il, sa voix trébuchant de nouveau. « Pas dire qu'il a su ?» Exactement. Auguste tressaillit une fois de plus. Si je devais donner franchement mon avis, poursuivit le patron, du même ton rude, je dirais qu'il est mort, le cœur brisé. Sur quoi tous deux s'arrêtèrent net. Écoutez, dit le patron, ce n'est pas votre faute, ne le prenez pas trop au tragique. Je sais, tous ici, on sait que vous n'y êtes pour rien. N'importe comment, c'est un fait. Antoine ne serait jamais devenu un grand clown. Il y a bien longtemps qu'il avait renoncé. Il marmonna Dieu sait quoi tout bas, puis reprit avec un soupir. L'embêtant, c'est comment expliquer la séance d'hier soir. Ce ne sera pas commode de cacher la vérité cette fois. Vous êtes d'accord, non? On n'avait pas prévu qu'il mourrait subitement, pas vrai? Il y eut un silence, puis Auguste dit doucement « Je crois que j'aimerais rester seul un petit moment, si cela ne vous fait rien. »« Dac, » dit le patron, « pensez-y de votre côté, il est encore temps. » Au comble de la détresse et de l'abattement, Auguste partit au hasard en direction de la ville. Longtemps, il marcha, la tête vide, plein seulement d'une sorte de souffrance obtuse et sourde, filtrant dans tout son corps. Finalement, il s'assit au bord d'une terrasse de café et commanda à boire. Non, décidément, pas un instant il n'avait envisagé cette éventualité. Encore un tour du sort. Une seule chose était parfaitement claire. Ou bien il serait forcé de redevenir Auguste, ou d'être Antoine. Il ne pourrait plus garder l'anonymat. Il se prit à songer à Antoine, celui qu'il avait incarné la veille. Parviendrait-il à s'en tirer encore ce soir et à retrouver l'ombre d'un zeste, d'une verve comparable? Il ne pensait plus du tout à Antoine, raide, inerte et froid dans la roulotte. Sans s'en rendre compte, il était entré dans la peau d'Antoine. Il répétait le numéro, minutieusement, l'analysant, le démontant pièce par pièce, comblant une lacune, améliorant ici et là, à n'en plus finir, de truc en truc, de public en public, de soir en soir, de ville en ville. Puis tout d'un coup, il revint à lui, brusquement, sursautant et se redressant sur son siège, il se mit à parler à lui-même furieusement. « Alors, c'est ça que tu vas devenir, clown, hein? Comme ça, tu n'as pas eu ton compte ?» Tu as liquidé Auguste, assassiné Antoine? Allez, c'est à qui le tour? Il y a 2 jours encore, tu étais un type heureux, un homme libre. À présent, non seulement te voilà coincé, mais te voilà assassin par-dessus le marché. Et tu t'imagines sérieusement qu'avec une conscience pourrie, tu seras capable de faire rire les gens? Non, vrai, tu charries un peu. Il frappa du poing sur le marbre de la table, comme pour se convaincre du sérieux de ses paroles. Ah, fameuse la séance d'hier soir! Et pourquoi ça? Parce que personne ne se doutait que le type qui en faisait cette réussite n'était autre que le célèbre Auguste. C'était le talent, le génie qu'on applaudissait. Qui pouvait le dire? Pas un seul d'entre eux. Mais une perfection, un triomphe accompli. Et après, CQFD. Cette fois encore, il se cabra sur son siège comme un cheval. Ça ne te dit rien, CQFD? Alors c'est ça, c'est pour ça qu'Auguste était si impatient de remplacer Antoine. Il se foutait pas mal qu'Antoine devint un grand type, Auguste. Est-ce vrai, oui ou non? Tout ce qui l'intéressait, c'était d'être sûr que la réputation qu'il venait de créer lui appartiendrait vraiment, à lui. Il avait mordu à l'hameçon, Auguste, comme un poisson. Pouah! Il cracha vaguement de dégoût. Il avait le gosier sec, à force d'énervement, si sec qu'il tapa dans ses mains et commanda encore à boire. « Bon Dieu, reprit-il, après s'être humecté le palais, dire qu'on peut en arriver à se tendre à soi-même des panneaux si grossiers. Heureux la veille, malheureux comme un chien le lendemain. Mais quel idiot je suis !» Là, il réfléchit un moment, à tête très reposée. « Bon, il y a une chose que je comprends à présent. Mon bonheur était réel, mais sans fondement. Il me faut le rattraper au collet, mais cette fois, honnêtement. » Et m'y cramponner des deux mains comme un bijou inestimable. Apprendre le bonheur en tant qu'Auguste, comme le clown que je suis. Il but une gorgée de vin, puis s'ébroua comme un chien. C'est peut-être ma dernière chance. Je repartirai de rien, une fois de plus. Sur quoi il en vint à méditer le nouveau nom qu'il prendrait. Petit jeu qui l'entraîna très loin. Oui, reprit-il, ayant déjà oublié le nom auquel il s'était arrêté. « J'inventerai quelque chose de nouveau, d'entièrement neuf. Je n'en serai peut-être pas plus heureux pour ça, mais du moins ça me tiendra sur le qui-vive. Allez, pourquoi pas l'Amérique du Sud ?»